Un de mes plus vifs regrets, en quittant Saïmka, mademoiselle, a été de pouvoir vous instruire de l'obligation rigoureuse qui me forçait à m'éloigner de vous. Je ne pouvais vous aller voir, vous écrire, ni vous envoyer les explications que vous m'aviez demandées, sans contrevenir aux ordres de mon père, et sans compromettre ma sûreté. Peut-être l'eussé-je fait sans l'exemple que vous veniez de me donner, mais quand je venais d'apprendre auprès de vous tout ce qu'on doit à son père, je ne pouvais pas risquer la vie du mien. Cependant, je l'avoue, je n'aime pas mon devoir comme vous aimez le vôtre, et je suis revenu à Tobolsk le cœur déchiré. Mon père m'apprend qu'un ordre de l'empereur m'envoie à 1000 lieues d'ici, et qu'il faut obéir à l'instant. Je vais partir. Élisabeth, vous ne savez point ce que je souffre. Ah, je ne demande point au ciel que vous le sachiez jamais. Il ne peut être juste qu'autant que vous serez heureuse. J'ai ouvert mon cœur à mon père. Je vous ai fait connaître à lui. J'ai vu couler ses larmes, quand je lui ai dit vos projets. Je crois qu'il veut vous voir, et qu'il ira exprès cette année visiter le cercle d'Ishim. En attendant, s'il le peut, il vous fera parvenir cette lettre. Élisabeth, je pars plus tranquille, puisque je vous laisse sous la protection de mon père. Cependant, je vous en conjure, n'en usez point pour partir avant mon retour. J'espère revenir à Tobolsk avant un an. C'est moi qui vous conduirai à Pétersbourg. C'est moi qui vous présenterai à l'empereur. C'est moi qui veillerai sur vous pendant ce long voyage. Ne craignez point, mon amour. Je n'en parlerai plus. Je ne serai que votre ami, que votre frère. Et si je vous sers avec toute la vivacité de la passion, je jure de ne vous parler jamais qu'un langage pur comme l'innocence, comme les anges, comme vous. » Un peu plus bas, la postille suivante était écrite de la main même du gouverneur. « Non, mademoiselle, ce n'est point avec mon fils que vous devez partir. Je ne doute point de son honneur, mais le vôtre doit être à l'abri de tout soupçon. En allant montrer à la cour de Russie des vertus trop touchantes pour n'être pas couronnée, il ne faut pas risquer de faire dire que vous avez été conduite par votre amant, et flétrir ainsi le plus beau trait de piété filiale dont le monde puisse s'honorer. Dans votre situation, il n'y a de protecteur digne de votre innocence que Dieu et votre père. » Votre père ne peut vous suivre. Dieu ne vous abandonnera pas. La religion vous prêtera son flambeau et son appui. Abandonnez-vous à elle. Vous savez à qui j'ai permis l'entrée de votre cabane. En vous remettant ce papier, je vous rends dépositaire de mon sort. Car si une pareille lettre était connue, si on pouvait se douter que j'ai favorisé votre départ, je serais à jamais perdu. Mais je ne suis pas même inquiet. Je sais à qui je me confie. Et tout ce qu'on doit attendre de la force et de la vertu d'une fille qui s'apprête à dévouer sa vie à son père. » En finissant cette lettre, la voix de Springer était plus forte et plus animée, car il voyait avec un orgueil les vertus de sa fille et l'estime qu'on en faisait. Mais la tendre mère ne voyait que son départ. Pâle, abattue, sans mouvement, elle regardait sa fille, levait les yeux au ciel, et n'avait plus la force de pleurer. Élisabeth se mit à genoux devant eux et leur dit: « Oh, mes parents, laissez-moi vous parler ainsi. Ce n'est que dans une humble attitude qu'on doit demander la plus grande de toutes les félicités. J'ose aspirer à celle de vous rendre votre liberté, votre bonheur, votre patrie. Depuis plus d'une année, voilà quel est l'objet de mes plus chères espérances. J'y touche enfin. Et vous me défendriez de l'atteindre? Ah, s'il est un bien au-dessus de celui que je demande, refusez-moi, j'y consens. Mais s'il n'en est pas... » Émue, tremblante, sa voix expira, et ce ne fut qu'en embrassant les genoux de ses parents qu'elle put achever sa prière. Springer posa les mains sur la tête de sa fille sans proférer un seul mot. La mère s'écria: « Seule, à pied, sans secours, non, je ne le puis, je ne le puis. » Ma mère reprit vivement: « Élisabeth, je t'en conjure, ne repousse pas mes vœux. Si tu savais depuis combien de temps je nourris mon projet et toutes les consolations que je lui dois. Aussitôt que mon âge me permit de comprendre vos infortunes, je me promis de consacrer ma vie à vous en délivrer. Heureux jour que celui où je promis de servir mon père, heureux espoir qui me soutenait quand je le voyais pleurer. Ah, que deux fois, étant témoin de vos muets chagrins, j'aurais été consumé d'une mortelle tristesse, si je n'avais pas pu me dire « moi, je leur rendrai ce qu'ils regrettent. Mes parents, si vous m'arrachez cette espérance, vous m'arrachez la vie. Privé de cette pensée, où toutes mes autres pensées venaient aboutir, je ne verrai plus de but à mon existence, et mes jours s'éteindront dans la langueur. Oh, pardonnez si je vous afflige. Non, si vous me retenez ici, je ne mourrai pas, puisque ma mort serait pour vous un malheur de plus, mais permettez-moi d'être heureuse. Ne dites pas que mon entreprise est impossible, elle ne l'est pas. Mon cœur vous en répond. Il trouvera des forces pour aller demander justice, et des paroles pour vous la faire obtenir. Il ne craint rien, ni les fatigues, ni les obstacles, ni les mépris, ni la cour, ni les rois. Il ne craint que votre refus. Laisse, laisse, Elisabeth, interrompit Springer, je ne me connais plus. Tu bouleverses mon âme. Jusqu'à ce jour, elle n'avait point reculé devant une belle action, et des vertus supérieures à son courage ne s'étaient point présentées à elle. Je ne croyais pas être faible. Oh, ma fille, tu viens de m'apprendre que je le suis. Non, je ne puis consentir à ce que tu veux. » Ranimée par ce refus, Fedora prit les mains de sa fille entre les siennes et lui dit « Écoute-moi, Elisabeth, si ton père est faible, tu peux bien permettre à ta mère de l'être aussi. Pardonne-lui de ne pouvoir se résoudre à te laisser déployer tant de vertus. Étrange situation où une mère demande à sa fille d'être moins vertueuse. Mais ta mère te le demande, elle ne te l'ordonne point, car en t'élevant au-dessus de tout, tu as mérité de ne plus recevoir d'ordre que de toi-même. Ma mère, reprit Elisabeth, les tiens me seront toujours sacrés. Si tu me demandes de rester ici, j'espère avoir la force de t'obéir. Mais puisque mon dessein t'a touché, laisse-moi espérer qu'il aura ton assentiment. Il n'est pas le fruit d'un moment d'enthousiasme, mais de longues années de méditation. Il s'appuie autant sur des raisons solides que sur les plus tendres sentiments. Existe-t-il un autre moyen d'arracher mon père à l'exil ? Depuis 12 ans qu'il languit ici, quel ami a pris sa défense ? Et quand il s'en trouverait un, qu'il l'osa, oserait-il parler comme moi ? Serait-il inspiré par un semblable amour ? Oh, laissez-moi toujours croire que Dieu n'a donné qu'à votre unique enfant le pouvoir de vous rendre au bonheur, et ne vous opposez pas à l'auguste mission que le ciel a daigné lui confier. Dites-moi, que trouvez-vous donc de si effrayant dans mon entreprise ? Est-ce mon absence ? Mais ne vous ai-je pas entendu gémir souvent ensemble d'un exil qui vous empêchait de me donner un époux ? Un époux, ô mes parents, ne m'aurait-il pas séparé de vous aussi ? Des dangers, il n'en a point. Les hivers de ce climat m'ont accoutumé à la rigueur des saisons, et mes courses dans nos landes, à la fatigue d'une longue marche. Avez-vous peur de ma jeunesse ? Elle sera mon appui, on vient au secours de tout ce qui est faible. Enfin, redoutez-vous mon inexpérience ? Je ne serai pas seul. Rappelez-vous les paroles et la lettre du gouverneur. S'il permet à un pauvre missionnaire de se reposer sous notre toit, c'est pour me donner un guide et un protecteur. Vous le voyez, tout est prévu. Il n'y a point de péril. Il n'y a plus d'obstacles. Et rien ne me manque que votre consentement et votre bénédiction. Et ton pain, tu le mendieras, répondit Springer avec amertume. Les aïeux de ta mère qui régnèrent jadis dans ces contrées, les miens qui se sont assis sur le trône de Pologne, verront l'héritière de leur nom parcourir, en demandant l'aumône, cette Russie qui a fait de leur royaume des provinces de son empire. Si tel est le sang d'où je sors, reprit Elisabeth avec une modeste surprise, si je descends des rois, et que 2 couronnes aient été sur le front de mes aïeux, j'espère me montrer digne d'eux et de vous, et ne point avilir le nom qu'ils m'ont laissé. Mais la misère ne l'avilira point. Pourquoi la fille d'Esséide et de Sobieski rougirait-elle d'avoir recours à la charité de ses semblables ? Tant de grands hommes précipités du fait des honneurs l'ont imploré pour eux-mêmes. Plus heureuse que tous, je ne l'implorerai que pour servir mon père. La noble fermeté de cette jeune fille, une sorte de divin orgueil que faisait briller dans ses yeux la pensée de s'humilier pour ses parents, donnait à tout ce qu'elle disait une force et une autorité qui triomphèrent de Springer. Il ne se sentit pas le droit d'empêcher sa fille de mettre tant de vertus au jour. Il se serait cru coupable de la forcer à les ensevelir dans un désert. « Oh, ma Fedora, s'écria-t-il en serrant les mains de son épouse, la laisserons-nous mourir ici ? La priverons-nous du bonheur de donner le jour à des enfants qui lui ressemblent ? Prends courage, ma bien-aimée, et puisqu'il n'existe nul autre moyen de la rendre à ce monde dont elle sera la gloire, laissons-la partir. » Dans ce moment, la mère l'emporta sur l'épouse, et pour la première fois de sa vie, Fedora s'éleva contre la plus sainte autorité. « Non, non, je ne la laisserai pas partir. En vain mon époux le demande, je saurai lui résister. Quoi, j'exposerai la vie de mon enfant ? Je laisserai partir mon Élisabeth pour apprendre un jour qu'elle a péri de froid et de misère dans d'affreux déserts, pour vivre sans elle, pour la pleurer toujours? Voilà ce qu'on ose exiger d'une mère. Oh, Stanislas, devrais-tu m'apprendre qu'il est un sacrifice que je ne puis te faire, et une douleur dont tu ne me consolerais pas ?» En parlant ainsi, elle ne pleurait plus, et était comme dans un état de délire. Springer, le cœur déchiré de sa peine, s'écria, « Ma fille, si votre mère n'y peut consentir, vous ne partirez pas. » « Non, ma mère, si tu l'ordonnes, je ne partirai pas, » lui dit Élisabeth, en l'accablant des plus touchantes caresses. « Je t'obéirai toujours, mais peut-être Dieu obtiendra-t-il de toi ce que tu as refusé à mon père. Viens le prier avec moi, ma mère. Demandons-lui ensemble ce que nous devons faire. C'est la lumière qui guide et la force qui soutient. Toute la vérité vient de là, et toute résignation aussi. » En priant, Fédora pleura. Cette piété qui calme, adoucit, et ne s'empare du cœur que pour se mettre à la place de ce qui le tourmente et le déchire, cette piété divine qui ne prescrit jamais un devoir sans en montrer la récompense, cette voix de Dieu si puissante sur les âmes tendres, toucha celle de Fédora. Dans les caractères nobles et fiers, qui ne composent le bonheur que de gloire, l'estime des hommes peut obtenir le sacrifice des plus chères affections. Mais la religion seule peut l'obtenir des cœurs qui ne composent le bonheur que d'amour. Le lendemain, Springer, s'étant trouvé seul avec sa fille, lui fit le récit de ses longues infortunes. Il lui apprit quelle funeste guerre avait déchiré la Pologne, et comment ce malheureux royaume avait été effacé du nombre des empires. « Mon seul crime, ma fille, lui dit-il, est d'avoir trop aimé ma patrie, et de n'avoir pu supporter son asservissement. Ses plus grands monarques étaient du même sang que moi. Je pouvais moi-même être appelé au trône. » Et je devais bien mon amour et ma vie au pays dont je tirais toute ma gloire. Je l'ai servi comme je le devais, seul à la tête d'une poignée de nobles polonais. Je l'ai défendu jusqu'à la dernière extrémité contre les trois grandes puissances qui s'avançaient pour l'envahir. Et lorsqu'accablé par le nombre de nos ennemis, sous les murs de Varsovie, à la vue de cette vaste capitale, livrée aux flammes et aux pillages, il a fallu céder et se soumettre à la tyrannie, au fond de mon âme je résistais encore. Humilié d'être toujours dans ma patrie et de n'en plus avoir, partout je cherchais des armes, partout je cherchais des alliés qui m'aidassent à rendre à la Pologne son existence et son nom. Vains efforts, tentatives inutiles, chaque jour rivaient davantage des chaînes que mes faibles mains ne pouvaient ébranler. Les terres de mes aïeux étaient dans la partie tombée sous la domination de la Russie. J'y vivais avec Fédora, heureux, mille fois heureux, si le joug de l'étranger n'avait pas pesé sur mon front. Mes plaintes peu mesurées, et surtout les nombreux mécontents qui se rassemblaient chez moi, inquiétèrent un monarque absolu et soupçonneux. Un matin, je fus arraché de ma maison, des bras de ma femme, des tiens, ma fille. Tu n'avais alors que 4 ans. Et tes larmes ne coulaient sur ton malheur que parce que tu voyais pleurer ta mère. Je fus traîné dans les prisons de Pétersbourg. Fédora m'y suivit. La permission de s'y renfermer avec moi fut la seule grâce qu'elle put obtenir. Nous vécûmes près d'une année dans ces affreux cachots, privés d'air presque du jour, mais non pas d'espérance. Je ne pouvais croire qu'un monarque juste n'excusa pas un citoyen d'avoir soutenu les droits de sa patrie, et qu'il ne se fia pas à la promesse que je lui donnais de demeurer soumis. J'avais trop bien présumé des hommes. Je fus jugé sans être entendu, et exilé pour la vie en Sibérie. Ma fidèle compagne ne m'abandonna point. Et je dois dire qu'en m'accompagnant ici, elle avait l'air d'écouter plus encore son cœur que son devoir. Si j'eusse été envoyé dans les ténèbres glacées de l'affreux Beresov, dans les solitudes perdues du lac Baïkal ou du Kamchatka, je n'y aurais pas été seul encore. Il n'est point de désert, il n'est point d'antre si sauvage où ma Fédora ne me suivit. Oui, je le veux croire, c'est à ses vertus, c'est à son dévouement si généreux que j'ai dû un exil plus humain. « Oh, mon enfant, s'il y a quelque douceur dans ma vie, c'est à ta mère que je le dois. Et s'il y a eu du malheur dans la sienne, je n'en dois accuser que moi. Du malheur, mon père, lui dit Elisabeth, et tu l'as toujours aimé. » À ces mots, Springer reconnut le cœur de Fédora, et vit bien qu'ainsi que sa mère, Elisabeth auprès d'un époux, pourrait ne pas être malheureuse dans l'exil. « Ma fille, répondit-il, en lui remettant la lettre du jeune Smoloff, qu'il avait gardée depuis la veille. » Si je dois bien un jour à ton zèle et à ton courage des biens que je ne désire plus que pour t'en accabler, au sein de la prospérité, cette lettre te rappellera nos bienfaiteurs. Ton cœur, Élisabeth, doit être reconnaissant, et l'alliance de la vertu peut honorer le sang des rois. La jeune fille rougit, prit la lettre des mains de son père, l'attacha sur son cœur et s'écria « Le souvenir de celui qui t'a plaint, qui t'a aimé, qui t'a servi, ne sortira jamais de là. » Durant quelques jours, on ne parla plus du voyage d'Élisabeth. Sa mère n'y avait pas consenti encore. Mais à la tristesse de ses regards, au profond abattement de sa contenance, on voyait assez que le consentement était au fond de son cœur, et que l'espérance n'y était plus. Cependant, peut-être, n'eût-elle jamais trouvé la force de dire à sa fille « Tu peux partir », si le ciel ne la lui eût envoyée. Un dimanche soir, la famille était en prière, lorsqu'on entendit à la porte un homme qui frappait avec son bâton. Springer ouvre. À l'instant, Fedora s'écrie « Ah, mon Dieu, voilà celui qui nous a annoncé, celui qui vient enlever mon enfant !» Et elle tombe tout en pleurs, le visage contre la table, sans que sa piété puisse lui donner le courage d'aller au-devant de l'homme de Dieu. Le missionnaire entre. Une large barbe blanche lui descend sur la poitrine. Son air est vénérable. Il est courbé par la fatigue plus encore que par les années. Les épreuves de sa vie ont usé son corps et fortifié son âme. Aussi porte-t-il dans ses regards quelque chose de triste, comme l'homme qui a beaucoup souffert, et de doux, comme celui qui est bien sûr de n'avoir pas souffert en vain. « Monsieur, dit-il, j'entre chez vous avec joie. La bénédiction de Dieu est sur cette pauvre cabane. Je sais qu'il y a ici des richesses plus précieuses que les perles et l'or. Je viens vous demander une nuit de repos. » Élisabeth s'empressa de lui approcher un siège. « Jeune fille, lui dit-il, vous vous êtes bien hâtée dans le chemin de la vertu. Et dès les premiers pas, vous nous avez laissés loin derrière vous. » Il allait s'asseoir lorsqu'il entendit les sanglots de Fedora. « Mère chrétienne, lui dit-il, pourquoi pleurez-vous? Le fruit de vos entrailles n'est-il pas béni? Ne pouvez-vous pas aussi vous dire heureuse entre toutes les femmes? Si vous versez des larmes parce que la vertu vous sépare de votre enfant pour un peu de temps, que feront les mères qui se voient arracher les leurs par le vice et qui les perdent pour l'éternité? Oh, mon père, si je ne devais plus la revoir! S'écria la mère désolée. « Vous la reverriez, reprit-il vivement, dans le ciel qui est déjà son partage, mais vous la reverrez aussi sur terre. Les fatigues sont grandes, mais Dieu la soutiendra. Il mesure le vent à la laine de l'agneau. » Fedora courba la tête avec résignation. Springer n'avait pas dit un mot encore. Il ne pouvait parler. Son cœur se déchirait. Et Élisabeth elle-même, qui jusqu'à ce jour n'avait senti que son courage, commença à sentir sa faiblesse. L'espoir d'être utile à ses parents lui avait caché la douleur de s'en séparer. Mais à présent que le moment était venu, quand elle pouvait se dire « Demain, je n'entendrai plus la voix de mon père, demain, je ne recevrai plus les caresses de ma mère, et peut-être un an entier se passera avant que je retrouve de si douces joies. » Alors il lui semblait que tout s'abîmait devant elle. Ses yeux se troublèrent, ses genoux fléchirent. Elle tomba en pleurant sur le sein de son père. « Ah, timide orpheline, si déjà tu tends les bras à ton protecteur, et que dès les premiers pas tu penches vers la terre, comme une vigne sans appui, où trouveras-tu donc des forces pour traverser seul presque une moitié du monde ?» Avant de se coucher, le missionnaire s'assit à la table des exilés, pour prendre le repas du soir. La plus franche hospitalité y présidait, mais la gaieté en était bannie, et ce n'était qu'avec effort que chacun des exilés retenait ses larmes. Le bon religieux les regardait avec une tendre compassion. Il avait vu beaucoup d'afflictions dans le cours de ses longs voyages, et l'art de les adoucir avait été la principale étude de sa vie. Aussi, pour toutes les douleurs, il avait une consolation. Pour chaque situation, chaque caractère, il avait des paroles qui rencontraient toujours juste. Quelquefois, il n'empêchait point de pleurer, mais les larmes conversaient sur une douleur personnelle. Il savait, en présentant l'image d'une infortune plus grande, les détourner sur les douleurs d'autrui, et par le sentiment de la pitié, adoucir le sentiment du malheur. C'est ainsi qu'en racontant ses longues traverses et les désastres dont il avait été le témoin, peu à peu, il attacha l'attention des exilés, les émut de compassion pour leurs frères, les conduisit à se dire intérieurement qu'en comparaison de tant d'infortunés, leur sort était bien doux encore. En effet, que n'avait-il point vu? Que ne pouvait-il point dire, cet homme vénérable qui depuis 60 ans, à 2000 lieues de sa patrie, sous un ciel étranger, au milieu des persécutions, travaillait sans se lasser jamais à la conversion de barbares qu'il appelait ses frères, et qui souvent étaient ses bourreaux. Il avait vu la cour de Pékin, et l'avait étonné par ses vastes connaissances, et plus encore par ses vertus. Il avait vécu parmi les sauvages, dont il avait adouci les mœurs, il avait réuni des hordes errantes, qui tenaient de lui les premières notions de l'agriculture. Ainsi des landes changées en champs fertiles, des hommes devenus doux, humains, des familles auxquelles les noms de pères, d'époux et d'enfants n'étaient plus étrangers, et des cœurs qui s'élevaient à Dieu pour le bénir de tant de bienfaits, étaient le fruit des soins d'un seul homme. Ah, ces gens-là ne disaient point de mal des missions. Ils ne disaient point que la religion qui les commande est une religion sévère et tyrannique. Ils ne disaient point surtout que les hommes qui la pratiquent avec cet excès de charité et d'amour sont des hommes inutiles et ambitieux. Mais pourquoi ne pas dire qu'ils sont ambitieux? En se dévouant au service de leurs frères, n'aspirent-ils pas au plus grand prix possible? Ne veulent-ils pas plaire à Dieu et gagner le ciel? L'ambition des plus célèbres conquérants ne s'est jamais élevée si haut. Elle s'est contentée du suffrage des hommes et du sceptre de l'univers. Le bon père apprit ensuite aux exilés que, rappelé par ses supérieurs, il retournait à pied dans l'Espagne, sa patrie. Pour s'y rendre, il avait à traverser encore la Russie, l'Allemagne et la France. Mais il disait que c'était peu de choses. Celui qui vient de voyager dans les déserts, qui pour tout abri trouvait un antre, pour tout oreiller une pierre, pour toute nourriture un peu de farine de riz délayée dans de l'eau, doit se croire au terme de ses fatigues, en arrivant chez des nations civilisées. Et pour le père Paul, c'était être déjà dans sa patrie que d'être chez les peuples chrétiens. Il racontait des choses extraordinaires des maux qu'il avait souffert, des difficultés qu'il avait essuyées, lorsque, après avoir dépassé les grandes murailles de la Chine, il s'était enfoncé dans l'immense Tartarie. Il disait encore comment, à l'entrée des vastes déserts de la Songhourie, qui appartiennent à la Chine et lui servent de limite avec la Sibérie, il avait trouvé un pays abondant en magnifiques pelleteries, en précieuses fourrures, et susceptible de faire, à l'aide de cette richesse, un grand commerce avec les peuples européens. Mais nul vestige de notre industrie n'avait encore pénétré jusque-là. Aucun marchand n'avait osé porter son or et ses calculs là où le missionnaire avait planté une croix et répandu des bienfaits. Tant il est vrai que la charité va encore plus loin que l'avarice. On arrangea pour le père Paul un lit propre et commode dans le petit cabinet qu'occupait la jeune tartare, et celle-ci vint dormir enveloppée d'une peau d'ours auprès du poêle. Quand le jour commença à paraître, Élisabeth se leva. Elle s'approcha doucement de la porte du père Paul, et ayant entendu qu'il était déjà en prière, elle demanda la permission d'entrer et de l'entretenir seule. Devant ses parents, elle n'aurait pas osé lui parler de ses projets et du désir qu'elle avait de ne point attendre plus loin que l'aube prochaine pour se mettre en route. À genoux près de lui, elle lui raconta l'histoire de toute sa vie. Touchante histoire qui n'était composée que de sa tendresse pour ses parents. Sans doute, dans le long récit de ses incertitudes et de ses espérances, elle prononça plus d'une fois le nom de Smoloff. Mais il semblait que ce nom n'était là que pour rehausser son innocence et montrer qu'elle l'avait conservé dans toute sa pureté. Aussi le père Paul fut-il profondément touché de tout ce qu'il entendit. Il avait fait le tour du monde et presque tout ce qu'il contient. Mais un cœur comme celui d'Élisabeth, il ne l'avait point vu encore. Springer et Fedora ne savaient point que l'intention de leur fille était de les quitter le lendemain. Mais le matin, en l'embrassant, ils se sentirent émus et agités de ce frissonnement involontaire qu'éprouvent tous les êtres vivants à la veille de l'orage. À chaque pas qu'Élisabeth faisait dans la chambre, sa mère la suivait des yeux, et souvent la retenait brusquement par le bras, sans oser lui adresser une question, mais lui parlant sans cesse de soins à prendre pour le lendemain, et lui donnant des ordres pour divers ouvrages à faire à quelques jours de là. Aussi elle cherchait à se rassurer par ses propres paroles, mais son cœur n'en était pas plus tranquille, et le silence de sa fille lui parlait toujours de départ. Pendant le dîner, elle lui dit, « Élisabeth, si le temps est beau demain, vous monterez dans votre petite nacelle avec votre père pour aller pêcher quelques poissons dans le lac. » Sa fille la regarda, se tut, et de grosses larmes tombèrent de ses yeux. Springer, déchiré de la même inquiétude que sa femme, reprit un peu vivement, « Ma fille, avez-vous entendu l'ordre de votre mère? Demain vous viendrez avec moi. » La jeune fille pencha la tête sur l'épaule de son père et lui dit à voix basse, « Demain vous consolerez ma mère. » Springer pâlit. C'en fut assez pour Fedora. Elle ne demanda plus rien. Elle était sûre que le mot de départ venait d'être prononcé, et elle ne voulait pas l'entendre, car le moment où l'on oserait en parler devant elle sera celui où il faudrait y donner son consentement, et elle espérait que tant qu'elle ne l'aurait pas donné, sa fille n'oserait pas partir. Springer ramasse toutes ses forces. Il voit qu'il aura à soutenir le lendemain et le départ de sa fille et la douleur de sa femme. Il ne sait point s'il survivra au sacrifice qu'il va faire, sacrifice auquel il ne peut se résoudre que par excès d'amour pour sa fille. Et il a l'air de le recevoir. Il la remercie de son dévouement. Et cachant ses larmes au fond de son cœur, il feint d'être heureux pour donner à son Élisabeth la seule récompense digne de ses vertus. Ah, dans ce jour-là, que d'émotions secrètes, de sentiments inaperçus, de caresses vives et déchirantes entre les parents et leurs filles. Le missionnaire cherchait à fortifier les courages en rappelant toutes les histoires des saintes Écritures, où Dieu se montre prompt à récompenser les grands sacrifices de la piété filiale et de la résignation paternelle. Il leur faisait entrevoir aussi que les fatigues du voyage seraient moins grandes, parce qu'un homme puissant, qu'il ne nommait pas, mais qu'on devinait assez, lui avait fourni les moyens de rendre la route plus commode et plus douce. Enfin, quand le soir fut arrivé, Élisabeth se mit à genoux, et d'une voix émue demanda à ses parents de la bénir. Le père s'approcha, des larmes coulaient le long de ses joues. Sa fille lui tendit les bras. Il comprit que c'était un adieu. Son cœur se serra, ses larmes s'arrêtèrent. Il posa les mains sur la tête d'Élisabeth en la recommandant à Dieu dans son cœur, mais sans avoir la force de proférer une parole. La jeune fille alors, regardant sa mère, lui dit « Et toi, ma mère, ne veux-tu pas bénir aussi ton enfant ?»« Demain, reprit-elle avec l'accent étouffé d'une profonde désolation, demain, et pourquoi pas aujourd'hui aussi, ma mère ?»« Ah oui, répartit Fedora en s'élançant impétueusement vers elle, tous les jours, tous les jours. » Élisabeth courba la tête devant ses parents, qui, les mains réunies, les yeux élevés, la voix tremblante, prononcèrent ensemble une bénédiction que Dieu dut entendre.